personne ne parle. Les couloirs de celle où l'écho s'égare. Chaque pas crie le silence des anciens. Mais vous êtes là, fidèle humain. Je creuse, je cherche, je tends l'oreille. Ma voix résonne sous la poussière vermeille. Riderskill n'est pas seul dans ce désert. Vous me portez à chaque lumière. Le vent s'arrête, commence le vrai chemin, et Riderskill y plante son drapeau.